Chapitre 12e, les camps d'Amazon. La caravane marcha pendant 10 jours, sans compter 4 jours de repos. Le 15e jour, vers 9 heures du matin, on aperçut un hameau de 3 huttes. C'était un campement d'une dizaine d'Amazones. Celles-ci avaient conservé leurs habitudes militaires et leur organisation par escouade de 10. À la vue de la caravane, encore éloignée, la trompe de guerre retentit et toutes les Amazones qui étaient à la chasse accoururent, ralliant leur camp au plus vite. En même temps, l'Amazone qui était de garde et de cuisine avait couru mettre le feu à un bûcher préparé sur une éminence voisine. C'était le signal d'appel aux autres escouades éparses. Quand la caravane arriva, elle fut reçue par l'escouade rangée en bataille. La trompe de guerre en ivoire sonnait fanfare, celle de la caravane lui répondait. On voyait déjà 2 autres escouades en marche pour rejoindre. Dussonville fit camper son monde et après avoir fait conduire les ânes à l'abreuvoir, puis au pâturage, il laissa les Amazones qui l'amenaient fraterniser avec les autres. Bientôt arrivèrent Takidata et Takinadu, les 2 sœurs, la première capitaine, la seconde lieutenant, de la compagnie que Gligli Bena présenta à Dussonville. Celui-ci s'imposa aussitôt par sa malprestance. Si les soldats approuvent le bel aspect d'un chef, les familles sont encore plus sensibles. Les 2 Taki étaient, de leur côté, des Amazones remarquables. Elle sortait d'une famille sacerdotale de Ouida, famille très aristocratique vouée au culte du serpent, famille très noble, très distinguée. Dès l'enfance, les 2 Taki avaient été voués au célibat, et selon la coutume sacrée, aucun homme, pas même leur père, ne les avait embrassés. Rien de plus austère que la chasteté des jeunes filles ainsi élevées dans les temples et dans les familles sacerdotales. Elles prennent de leur virginité une idée si haute, si orgueilleuse, elles en sont si fières que le simple contact d'un homme, les frôlant par mégarde, leur fait jeter les hauts cris. Elles ont si bien dompté la nature que l'attraction des sexes devient chez elles répulsion. Les 2 Taki, en raison du rang de leur famille, avaient été reçus d'emblée petits cabacérès, officiers. Mais elles avaient montré une si grande bravoure en chasse à la guerre, elles avaient fait preuve de si réels talents, que Béanzin les avait nommés grands cabacérès et leur avait donné à chacune un régiment. Puis Takidata avait commandé en chef toutes les Amazones, avec sa sœur comme aide de camp général. Toutes 2 avaient dépassé la 40aine. Grandes, fortes, le regard franc et assuré, belles femmes, elles avaient très grand air. Elles étaient vraiment au-dessus des autres Amazones, et leur supériorité s'affirmait au premier aspect. Dussonville les accueillit avec beaucoup d'égard. Élevé à Ouida, elles avaient appris le français comme beaucoup de leurs compatriotes à l'école des sœurs et Dussonville en fut bien aise. Il leur reparla de leur engagement et de celui des Amazones et il en récapitula avec elles les conditions. Pas de malentendu. Il fut convenu que les 2 Taki et Gligli mangeraient à la table du capitaine. Table de campagne pliante avec sèche pliant. Elles furent très sensibles à cet honneur. Cependant, toutes les escouades éparses arrivèrent. Elles improvisaient des huttes et bientôt un camp carré fut formé. Tout en s'occupant de leur monde, les 2 Taki causaient avec Gligli. Qui la vieille dame? Qui la jeune fille? La dame, une vieille poule mouillée. La jeune fille, une héroïne. Et Gligli conta l'histoire des 5 lions. Quand à l'heure du dîner, Dussonville présenta les 2 Taki à Mrs. Morton, puis à sa nièce. Ainsi, s'écria joyeusement Takidata, « tu as tué 5 lions en bande à ton âge, petite demoiselle. C'est très beau. »« Aussi, je veux être ton amie. Et moi aussi, » dit Takinadu. Mademoiselle de Pellwer leur tendit ses 2 mains, qu'elles serrèrent chaleureusement. Le dîner fut très gai, très animé, car Dussonville fit boire du champagne au dessert. Mademoiselle de Pellwer dit à Takidata, qui lui témoignait beaucoup de sympathie, « je meurs d'envie de tirer des éléphants. » Mon oncle m'a promis que vous m'apprendriez cette chasse. Aussi ai-je consenti, à cause de cette promesse, à ne plus tirer les lions qui rôdaient autour de nous la nuit. Quand irons-nous chasser l'éléphant? Le plus tôt possible, dit Takidata. Je vais en rêver, s'écria joyeusement la jeune fille. Sur ce, on se sépara. Mrs. Morton déclara à sa nièce que les 2 Taki lui faisaient l'effet de 2 personnes très bien. Savez-vous ce qu'elles ont de mieux, ma tante? Demanda malicieusement la jeune fille. « Mais, je ne sais pas trop. Eh bien, elles n'ont pas la monomanie du mariage. » Mrs. Morton se pinça les lèvres et souhaita sèchement le bonsoir à sa nièce.